Puis il peut réaliser que s'il n'y avait pas cette façon-là d'avancer dans la connaissance occulte, il n'y aurait pas accès à la connaissance occulte. Les lois occultes de l'intelligence sont fondées sur le principe de l'intelligence. Et le principe de l'intelligence détermine les limites de l'intelligence. Et les limites de l'intelligence sont manifestées sur la Terre dans le principe matériel de cette intelligence-là. Alors, tout ce que j'implique sur le plan matériel en relation avec le principe de l'intelligence découle de mon pouvoir de l'intelligence et non de leur pouvoir d'intelliger sur ton esprit. Voilà, c'est vrai. Les lois sont absolues. Puis quand tu comprendras que les lois sont absolues, tu commenceras à vivre dans le principe absolu de l'intelligence. Et à ce moment-là, tu commenceras à comprendre par toi-même ce que tu as à comprendre. Et tu n'auras pas de questions occultes à demander concernant l'évolution. La plus grande illusion de l'intelligence humaine, qu'elle soit occulte ou non occulte, c'est le fait que l'intelligence humaine a besoin de demander des questions pour vérifier ce qu'elle sait. Et quand un homme a besoin de demander des questions pour vérifier ce qu'il sait, il n'est pas dans le principe absolu de l'intelligence. Et automatiquement, s'il est en confrontation ou en arbitration avec un homme qui est dans le principe de l'intelligence, c'est celui qui est dans le principe de l'intelligence qui peut le mettre. Alors, Bernard, quand tu appelles certains arrangements que la maison a derrière toi, que toi, tu as planifié ça comme ça, comme ça, comme ça, avec l'intelligence que tu as, là, que tu avais, que c'est pas arrivé comme ça, toujours pour nous dire que ça ne marchait pas comme ça. Quelle intelligence marchait à ce moment-là? Tout discours sur les formes est toujours en relation avec le développement de l'esprit qui est dans la forme. Le discours sur la forme est jamais en relation avec celui dont le principe de l'intelligence est en dehors de la forme. Autrement dit, toute conversation entre toi et eux autres sera toujours sous-tendue par le dernier mot que moi je dirai. Parce qu'ils sont obligés de fonctionner en relation avec ma vibration et non moi avec la leur, puisque moi, je suis en dehors de leur temps. Ton évolution à toi est parallèle à la leur. S'ils me disent oui, que moi je dis non, s'ils me disent non, que moi je dis oui, j'ai autant de portée que l'autre en. Tu peux dire oui sur le plan humain, parce que tu n'es pas en fusion, mais si tu étais en fusion, tu ne pourrais pas dire oui. Non, je ne te dis pas en égo. Que tu sais, là, que tu vas bien, que tu vas mal, que tu as une seule intuition qui travaille en fonction de toi. Et tu sais, toi tu dis oui ou dis non, puis elles autres ne devraient pas faire de toi. Parce qu'il ne faut pas que tu les prennes au sérieux, Bernard. Mm-hmm. Eux autres ils disent non, toi tu dis oui, ou le contraire, vice-versa. Mm-hmm. Ça marche le contraire de ce que tu dis. Au bout de la ligne, tu t'aperçois que quelques jours plus tard, que ce que tu as dit comme réponse, c'est le contraire de ce que tu as dit. Tu te l'as fait là quand tu es une femme. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est simplement pour créer un choc vibratoire. Pour t'amener toujours à être libre de la forme. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, la vérité, ça n'existe pas. Quand je vous dis que la vérité n'existe pas, je vous dis bien des choses. Ça n'existe pas, la vérité. La vérité, c'est une forme, comme le mensonge, c'est une forme. C'est pour ça que la vérité, ça fait la connaissance. Dans la connaissance, il y a du mensonge et de la vérité. Alors, la vérité serait la connaissance, le mensonge serait la forme. La vérité, c'est une qualité de la connaissance. Le mensonge, c'est une qualité de la connaissance. M'en dis? C'est parce que toi, t'es, comme tu n'es pas fusionné, mais que tu es très intuitif, tu as le contact, tu essaies de comprendre la dualité de la valeur de ton intelligence et de leur intelligence, qui fait partie de la même intelligence. Seulement que leur intelligence, autrement dit, l'intelligence qu'eux autres représentent dans le cosmos et la vibration de cette intelligence-là dans ton mental n'est pas encore la même. Parce que si elle était la même à ce moment-là, ces questions-là que tu me demandes, tu n'existeraient pas dans ton esprit. Alors, ce qui se produit au cours de l'évolution, c'est que tu en arrives petit à petit à assujettir ton intelligence à des formes qu'eux autres éventuellement pourront remplir pour te donner la connaissance instantanée. Fait qu'à ce moment-là, tu seras d'un autre état de conscience. C'est pour ça que J'ai beaucoup de respect pour ta personne parce que je sais que ta personne est en voie à devenir une pré-personnalité. Quand ta personne sera devenue une pré-personnalité, tu ne seras plus intéressé de la connaissance. Tu seras dans la connaissance, mais à ce moment-là, tu auras accès à la et tu seras là, tu es à l'émotion. En attendant, pendant ces années-là, tu fais l'expérience de ce potentiel vibratoire-là que tu découvres petit à petit dans ces illusions. Moi, tout ce que je fais, c'est de dire... Comment ça s'appelle? Comment c'est ça? Jimmy. Moi, ce que je dis, ce que j'essaie de dire, c'est de dire, Jimmy, fais attention. Jimmy, fais attention. Jimmy, fais attention. Puis je vais te dire, Jimmy, fais attention pendant 15 ans. Pas trop. Au bout de 15 ans, tu vas comprendre. 15 ans? Oui. 15 ans. Il faut que le principe de l'intelligence soit manifesté dans la chair et dans le matériel pour que la forme soit totalement libérée de la vérité ou de mensonge. On vient de différentes planètes. On vient de différents plans. Vous pensez comme ça de base en enfance qu'on perd ça à cause des adultes qui nous bloquent ça à un moment donné, que là, on laisse parler pendant peut-être 10-15 ans, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent. C'est évident, c'est inutile de rationaliser ton passé parce que ton passé est mort. Ton passé a servi à ton évolution. Les gens qui nous entourent en ce moment, qui ont eu quelque chose dans l'enfance, ça nous revient parce que là, on devient seul individualiste. On se cherche, on finit par se trouver. Vous êtes obligé de passer par une expérience difficile parce que c'est pas le temps que vous passez dans une autre expérience. Fait qu'en attendant, vous marquez le pas. Puis en marquant le pas, vous détruisez votre karma. Vous devez détruire votre karma. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'invisible avec du karma. Fait que vous détruisez votre karma. Fait que vos souffrances détruisent votre karma. Fait que finalement, vous finissez avec un éther qui est totalement clair. Il n'y a pas d'égrégore. Quand vous n'avez plus d'égrégore, à ce moment-là, vous êtes capable de manifester des pensées qui sont totalement régies par les lois du principe de l'intelligence. Et à ce moment-là, vous êtes totalement centré. Puis ce que vous dites, c'est final. Ce que vous dites à n'importe qui, à n'importe quelle hiérarchie, c'est universel, ça ne se discute pas. C'est même dommage. Vous allez comprendre un jour, par votre propre expérience, que quand vous savez, vous savez. Mais tant que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais quand vous savez, vous savez. Et votre savoir est toujours à l'échelle de votre vibration. Si votre vibration est haute de même, votre savoir est à cette échelle-là, ça ne se discute pas. Si votre vibration est à cette hauteur-là, votre savoir ne se discute pas, et ainsi de suite. Si votre vibration est très haute, puis votre savoir vous permet de trancher des questions à tous les niveaux de la forme, vous le faites. Vous le faites. Parce que vous avez le pouvoir de le faire. Ça fait partie de votre conscience. C'est nécessaire à l'homme à un certain moment de faire réaliser à des hommes qui sont considérés dans l'humanité, au niveau de l'évolution de l'humanité, qu'il y a encore des formes dans leur évolution. C'est aussi simple que ça. C'est absolu le savoir, c'est absolu la réalité. L'homme est simplement un principe qui manifeste le principe de l'intelligence selon le mandat de son évolution. Comme vous autres, on va donner un exemple. Parce que je veux seulement expliquer la psychologie. On va en prendre un autre. Je viens qu'expliquer la psychologie. Non, mais tout à l'heure, je vais attendre. Je viens qu'expliquer la psychologie du savoir en devenir. Un jour, vous allez comprendre que quand vous êtes en communication vibratoire, avec un principe d'intelligence, que ce soit sur un plan matériel ou un autre, vous pouvez manifester une opposition à ce principe d'intelligence. Donc, comme n'importe qui dans la salle peut dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça, Bon. Et le principe d'intelligence va se manifester, puis il va dire, oui, tu as raison, mais... Puis un jour, dans votre expérience, vous allez comprendre qu'effectivement, c'est le même. Mais avant ça, vous aviez la ferme conviction que c'était pas de même. Sais-tu pourquoi vous aviez la ferme conviction que c'était pas de même? Parce que vous saviez pas que c'était de même. Ça a l'air niaiseux que je dis ça. Parce que vous voyez pas la nuance, vous voyez pas l'autre côté. Quand tu vois une chose, il faut que tu la voies à 360 degrés. Si tu parles de l'âme, il faut que tu comprennes toute l'âme, il faut que tu voies toute l'âme, il faut que tu comprennes toutes les lois de l'âme, il faut que tu comprennes les lois d'évolution de l'âme, faut que tu puisses rentrer dans l'âme, sortir dans l'âme, te servir des énergies de l'âme, connaître le passé de l'âme, connaître son avenir à l'âme. Faut que tu connaisses tout. Quand tu connais tout, à ce moment-là, tu peux trancher toutes les questions. À ce moment-là, tu mets la hache dans le mensonge et dans la vérité, puis tu es simplement en dehors de la forme. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu es bien dans le mouvement de l'énergie qui donne de la connaissance parce que tu n'es plus attaché à la forme de la connaissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Surtout les gens qui ont de l'intelligence et qui ont la capacité de parler. Parce que pour le moment, au niveau de la conscience cosmique, tu ne sers à rien. Tu ne peux pas servir. Parce que si tu servirais, tu déformerais toute l'énergie qui vient dans ton mental. Ça choquerait les autres. Ça choquerait les autres. Si tu avances, puis tu avances, puis tu avances, puis tu avances, puis tu avances, puis un jour, la vibration va être là, le savoir va être là, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas savoir. En attendant, on l'a. Ce qui est le plus difficile dans la compréhension des lois de l'esprit, ce sont les nuances de l'esprit. C'est pour ça que les hommes parlent depuis des siècles de la sagesse. Puis je vous dis aujourd'hui que ce n'est plus la sagesse qui est essentielle, c'est le discernement. Le discernement, c'est le discernement est plus grand que la sagesse. Le discernement ne s'acquiert pas dans les 6 premières initiations. Le discernement s'acquiert dans la 7e initiation où l'ego est seul cosmiquement et il n'a plus aucun support, mon cher. L'ego dans la 7e initiation, il n'y a plus de support. Non, il est seul. Tout seul. Quand l'ego est seul, qu'il n'y a plus de support dans la hiérarchie, il est incapable de voir la hiérarchie. Il est incapable de voir la lumière de la hiérarchie. Il est incapable de voir la noirceur de la hiérarchie parce qu'il est totalement enveloppé dans l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme, elle est d'un sonde. Ça, c'est intéressant. L'énergie de l'âme, elle est d'un sorte de sonde qui est entre la lumière et entre la noirceur. Une sorte de sonde qui est bien particulier à l'âme. Quand tu es là-dedans, tu es tout seul. Il faut que tu vives ça, ton expérience, jusqu'au bout. Puis quand tu as fini à ce moment-là, tu deviens un être descendant. Puis quand tu deviens un être descendant, tu régis le principe de la connaissance sur le plan où tu travailles. Parce que la connaissance, le principe de la connaissance, c'est simplement une fonction d'évolution. C'est plus un attribut psychologique de l'ego. Tu sais, quand un homme ou des êtres sur d'autres plans construisent des systèmes ou construisent des galaxies ou renversent des polarités planétaires, ils sont obligés de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir, pour eux autres, à ce moment-là? Ça veut dire comprendre parfaitement le principe de la lumière dans l'énergie de leur âme. À ce moment-là, ils savent tout. Là, ils peuvent fonctionner, ils sont en harmonie avec ce que vous autres, vous appelez la nature. Mais la nature, c'est pas ce que vous pensez. La nature, c'est une combinaison constante, infinie, de l'intelligence, du principe de l'intelligence en activité sur différents plans. Donc à ce moment-là, les questions philosophiques, les questions cosmiques, les questions de la cosmogénèse ont plus d'importance puisque même ces grandes questions-là ont une fonction au niveau de l'homme, c'est de l'emmagasiner dans une forme pour l'aider à évoluer plus loin dans son évolution. Vous avez des plans. Vous avez des plans dans le cosmos, ce que tu appelles tes maisons. Des plans qui sont tellement beaux. Ça, tu vas l'aimer, celle-là. Ils sont tellement beaux, ces plans-là. Ils sont tellement harmonieux, ces plans-là, que ça prend des âmes de très, très haut calibre d'évolution pour voir l'illusion de la forme. Tant qu'ils sont beaux. Quand tu es rendu, tu regardes quelque chose, Charlie, tu ne peux plus le critiquer, tu es mort. Quand tu regardes quelque chose, tu ne peux pas le critiquer, tu es mort. Dans l'âme. Ouais, ouais, il m'a dit, tu vois ce que je dis. Alors, il y a très peu d'âmes qui sont arrivées à ce chemin d'évolution-là. Puis quand tu viens sur une planète, ben, ils bouleversent tout, c'est normal. Pourquoi? Parce que ces âmes-là ont vécu l'illusion parfaite de la forme. Non, ça marche. Quand tu regardes quelque chose, puis tu ne peux pas le critiquer, autrement dit, tu ne peux pas ajouter à sa perfection, tu es mort là-bas. Puis un homme un être qui est descendant peut regarder n'importe quelle construction par la hiérarchie dans le cosmos et trouver dans ces constructions-là des failles. Il n'y a pas de perfection dans le cosmos. Là, je vais reparler de ça parce que ça vous met en grève. Alors, le cosmos a des choses à apprendre de notre évolution à nous autres face aux choses qu'on peut projeter d'ailleurs. Laisse-moi expliquer ça. Nous autres, sur la Terre, on parle de perfection parce qu'on parle de devenir. À notre niveau, OK. On parle de perfection parce qu'on parle de devenir. Un jour, les hommes, parce qu'ils seront sur le plan de l'âme, comprendront qu'est-ce que c'est que la perfection. La perfection, c'est un devenir, c'est un mouvement dans l'esprit et non dans le temps. La perfection, c'est un mouvement dans l'esprit et non dans le temps. Puis un mouvement dans l'esprit, ça veut dire ceci. Ça veut dire que l'univers sera parfait lorsque tous les hommes de toutes les galaxies seront dans l'esprit. Il n'y a pas de niveau dans cette affaire-là. Il n'y a pas de niveau. Ils seront dans le même esprit. Quand les hommes seront dans le même esprit, ce qu'on appelle Dieu sera manifesté dans le cosmos. Dieu sera parfait. C'est à ce temps-là, Dieu n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui a fait qu'on doit faire subir cette évolution-là, hein? Justement, Bernard? Ah, ça va arriver, parce que... Oh, il vient de la faire. Comment ça commence? Je vais mieux vous expliquer des principes que les... Bon, on subit cette évolution-là pour une simple raison, qu'à un certain moment donné, l'humanité doit représenter dans sa totalité un principe de très haute perfection dans la galaxie. Quoi? D'où ça vient? Comment ça participe? Quoi? Comment ça fait qu'on est là, qu'on doit subir ça, on est perdant en ce moment? Parce qu'on est obligé de subir le joug de la perfection. L'humanité, les humanités, la création subit le joug de la perfection. Et le joug de la perfection, c'est la capacité absolue de Dieu de devenir parfait. On n'a pas de choix. Mais est-ce qu'on a manqué quelque part? C'est pas qu'on a manqué, c'est qu'on est voulu vers. On n'a pas manqué. Alors, on a choisi ça. Il y en a qui choisissent ça, il y en a qui choisissent de revenir sur le plan matériel, il y en a qui choisissent de rester ses autres plans. Mais que tu choisisses de rester ses autres plans ou que de revenir dans la matière, il y a un choix quand même qui est fait, l'évolution doit se poursuivre. Une des plus grandes études faites par la hiérarchie, ce qu'on appelle les archanges, par exemple, une des plus grandes études à laquelle s'attachent les archanges, c'est la distribution uniforme dans tout le cosmos de la connaissance. C'est une de leurs plus grandes études, c'est une de leurs jobs les plus complexes. Sais-tu pourquoi? Parce que quand eux autres auront réussi à diffuser dans le cosmos la connaissance parfaitement, automatiquement les humanités qui sont sur les plans inférieurs seront fusionnées à eux. C'est à partir de ce moment-là que la hiérarchie et les hommes pourront évoluer dans des univers présentement qui sont en train d'être créés, mais qui sont inhabités parce que le taux vibratoire est trop haut. Puis c'est dans ces univers-là que les hommes et eux autres, en fusion, vont pour la première fois commencer à délimiter les limites de ce qu'on appelle Dieu. Alors, quand la hiérarchie et les hommes pourront délimiter les limites de Dieu, à ce moment-là, la hiérarchie et les hommes, ou l'homme-esprit, si tu veux, l'homme-esprit sera rendu dans la grande connaissance de l'Empire de l'âme. Non. Les archanges sont encore en évolution et ils font de la recherche, mais ils sont obligés à un certain moment, dans tout leur domaine, d'établir, de diffuser la connaissance. Et il y en a parmi eux qui travaillent directement avec les hommes pour aider éventuellement l'avènement de l'homme, de l'humanité, alors, dans un principe parfait. Toujours. Toujours. Tu joues pas avec les esprits. Un homme qui est rendu conscientisé, il joue plus avec les esprits. Je m'en fous du monde des esprits. Le monde des esprits, c'est comme le monde des hommes. Je vous l'ai déjà dit, l'univers est séparé en deux. Et non en trois. Il y a les mortels et les esprits, ça fait partie du même lot. La seule différence, c'est que les esprits n'ont pas de corps matériel. Ils sont dans la même ignorance que les hommes, excepté leur vision est plus vaste. Parce que les autres sont prisonniers du temps, tandis que nous, on est prisonniers de l'espace, mais c'est la même patente. Puis au-dessus de ça, il y a la hiérarchie. Donc, le monde est séparé en deux parties. La hiérarchie et les hommes. Ou les égaux morts. Ou les mondes des esprits. Mais allez chercher jamais de la connaissance dans le monde des esprits. La connaissance, vous devez aller la chercher dans le monde de la lumière. Puis ça, c'est le rapport avec eux autres en haut. Les gens qui souffrent de l'énergie de la connaissance occulte sont des gens qui sont en contact avec le monde des esprits. en a beaucoup, ça a l'air. La folie, c'est ça. La folie, c'est le contact entre l'homme et le monde des esprits. L'homme doit être en contact avec... Il y a une chose qui est délicate. Tu parles, on parle de nuances vibratoires. Quand tu parles au monde, là, tu dois savoir d'avance la réaction que tu vas créer avant de parler. Parce que si tu parles au monde, puis tu parles, tu dis, si quelqu'un a un guide qui a un archange, c'est comme si tu disais, moi j'ai un archange comme guide, tu crées une vibration. Certains, ça bloque. Tu crées une vibration. C'est comme si tu t'avances, si tu te présentes, si tu te définis comme ayant un archange. Puis comme on est pris dans la forme, les gens vont dire, ah, il y a un archange. Donc, elle pense qu'il y a un archange. Peut-être qu'il y en a un. Mais tu crées. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais le point que je veux faire, quand vous parlez au monde, parlez toujours en retrait de vous-même et non en avance sur vous-même. Ça, c'est important. Quand vous parlez en public. Tous ceux qui ont de la joisette et qui parlent, parlez en retrait de vous-même, pas en avance de vous-même. Vous parlez d'avoir l'humilité, ça fait partie de ça. Quand vous serez capable de parler en avance de vous-même, parler en retrait de vous-même, à ce moment-là, les gens sentiront en vous une absence d'ego, vous serez dans l'état d'humilité. Moi, je retarderai mon travail si je commencerai à vous compter ma vie. Je retarderai mon travail automatiquement parce que vos égos vibreraient. Ça, c'est du discernement. Quand vous allez trop loin dans ma vie privée, je dis, ah, bon. Mais j'aime ça parler. Parce que c'est vital. C'est rendu vital. On doit savoir tout. Dans le sens qu'on doit comprendre tout. Il faut savoir tout. Bon, c'est tout. On doit comprendre tout. On doit pouvoir parler de n'importe quoi. C'est conforme aux lois vibratoires. Les mondes inférieurs. C'est drôle de mots. Les mondes inférieurs sont des plans vibratoires où les égos manquent de lumière. Les égos manquent d'intelligence. Les égos manquent d'expérience. Les égos sont plus dans leur personnalité. Les égos n'ont jamais laissé leur personnalité terrestre. Où les égos sont réellement liés à des forces sataniques. Où les égos réellement sont et font partie des forces mystérieuses dans le centre de la Terre. C'est dans le centre de la Terre. Tu dis tantôt que ton âme, ça veut dire, oui, quand un ego est sur le plan de l'âme et qu'il a vu des belles choses et qu'il n'est pas capable de voir au-delà de la forme de cette grande beauté-là, son âme est morte parce qu'elle ne peut plus évoluer. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qui est intéressant? Ça, c'est intéressant. C'est ça. Il dit, il est rendu au maximum. C'est son évolution. Et puis, il ne peut pas être plus loin. Non. Ça veut dire que les autres, à un moment donné, ils peuvent arrêter d'évoluer, ou son évolution, elle est complète. À un certain moment, si l'ego va sur le plan de l'âme, okay, s'il monte, il monte, il monte, il monte, puis à un certain moment, c'est tellement beau, là, qu'il est pogné. Il ne peut plus évoluer. Fait que s'il ne peut pas évoluer, éventuellement, il ne pourra pas arriver au plan de l'âme où il doit centrer tout son esprit et déchirer par lui-même le voile qui entoure l'âme, qui est la septième initiation. Parce que c'est l'ego qui déchire le voile de l'âme. C'est l'ego. C'est ça la grande... C'est là qu'un être devient descendant. Un être descendant... Je ne vous dirai pas, mais c'est quelque chose. C'est que... Quand un être est rendu... Quand tu deviens descendant, là, tu n'as plus rien à demander à personne. C'est tout. Fait que tu sois sur le plan matériel, que tu sois ces autres plans, sur le plan astral, sur le plan mental, n'importe quel plan, tu commandes toujours à l'intérieur de ta limite. Et ta limite est toujours déterminée par le niveau évolutif de ton âme. Un exemple, le Christ. Le Christ, qui est un grand fils créateur, connaît. Il y a une limite, le Christ. Il y a sa limite. Elle est grande, sa limite. Mais il commande à l'intérieur de cette limite-là, puis on appelle ça un dominion. Puis un être descendant, tous les êtres descendants ont leur dominion. comme tu dis, le Christ a une limite. Les gens, ces grands hommes-là, ils ont des limites. C'est pas possible pour eux autres d'aller encore plus haut à ce moment-là. Quand un homme, quand un ego est arrivé sur le plan de l'âme, je ne veux pas le voir, là. Allez-vous-en, si vous voulez dormir, allez-vous-en. Il y en a qui travaillent demain matin, je comprends. Je comprends ça, je comprends ça. Mais il y en a qui travaillent pas, ça, c'est vraiment chômage. Ceux qui veulent continuer, continueront. Ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Après ça, ceux qui sont intéressés le 15 février, on se rencontre à l'auberge du gouverneur pour une conférence générale. Ah oui, c'est comment ça? C'est février. On va se voir une fois par mois, donc la prochaine, ce sera le 15. Je vais en faire tous les mois, je vais prendre ça. Tous les mois. Oui, oui. À Hollyette. Je pense que ça va être enregistré. Je commence à enregistrer tout mon matériel, le plus savoureux, ça prend. Qu'est-ce que je disais, là? On parlait de l'âme encore. Ah, tu sais? L'âme, c'est ça. Comme je te dis, il y a un domaine qui est limité, donc. Donc, on peut aller encore plus loin. Bon. Un âme, un être descendant. Un être descendant n'a plus de limite dans le temps. Sur Dominion, il me dit. Mais il n'y a plus de limite dans le temps. Ça veut dire que dans le temps de l'évolution, il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne. Il dit qu'on ne peut pas comprendre ça, parce que c'est infini. Mais c'est sans fin. Perfection, perfection, perfection. Mais il faut arriver au plan de l'âme. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens qui sont dans des écoles ésotériques, qui étudient ces choses-là, de comprendre qu'à l'intérieur de tout ça, il y a des forces. Même s'ils sont très hauts, très basses, il y a des formes. Puis ces formes-là, il faut les détruire. Là, tu dis qu'il faut déchirer le voile. Il faut déchirer le voile. C'est ça. Déchirer le voile. Ça, c'est intéressant. Parce que déchirer le voile, ça veut dire cinq choses. Déchirer le voile, c'est être... Il est en train de se faire. Il C'est le même de drogue, c'est le même de drogue. Il voit des choses, c'est le même de drogue. C'est le même de drogue, l'ego s'accroche dans la strade. Mais ça retarde son évolution. C'est terrible. Là. La drogue, ça fait partie des fois salimaniennes. Des fois salimaniennes. Des fois salimaniennes. Ça fait partie des fois salimaniennes. Des fois salimaniennes font partie des fois sataniques. Des fois sataniques font partie des fois spirituelles. Les forces animaliennes sont les forces de la forme, les puissances de la forme, le maître de l'éther. Tout ce qui retarde l'évolution de l'homme. Et c'est pas dans la drogue que tu vas chercher. Mais Ça va ouvrir des réseaux d'énergie dans le corps astral. Ça va vous rendre sensible au plan astral. Ça peut vous rendre sensible à des belles choses dans l'astral, tu sais pas. Comme ça peut vous rendre sensible à des choses qui sont très laides dans l'astral. Les gens appellent ça des portraits. Ils se suicident. Ouais. Hey, quand tu dis que tous les mots sont des prisons, c'est pas des mots de ça. Tous les mots, moi je vous parle, hein? Puis je vous parle précisément, je vous dis ce que je veux vous dire, mais les mots sont des prisons. Mais il y en a qui ont des techniques là, pour, disons, altérer, je ne sais pas, momentanément, ou plutôt, disons, embranler certaines cellules pour ouvrir d'autres centres, si c'est déconseillé. Il y en a qui ont des techniques. Tout ce qui vient en bas, c'est déconseillé. Tout ce qui est lié à l'ego. Laissez le temps de faire les choses. Tout ce qui est lié à l'ego, c'est déconseillé. Ouais, je les ai donnés. Je pense qu'elle va rentrer. La destruction des fonds, comme ça, là, c'est pas rien que ça. La destruction des femmes, si tu es sur le plan matériel, c'est tant les ganasiens sur le plan matériel. Tu comprends la loi de la destruction des femmes. À ce moment-là, tu changes de cycle de vie. Éventuellement, tu as la vie, tu as la seconde vie, tu es dans l'inter. Tu deviens conscientisé. Tu appartiens, tu formes une nouvelle race. Tu parlais de tirer une voile, tu parlais de l'initiative. Déchirer le voile, ça fait partie de la septième initiation. Déchirer le voile, c'est pas la destruction des formes. Déchirer le voile, c'est initiatique, c'est occulte, c'est... Déchirer le voile, c'est un œuvre, mais qui sert à une humanité. Une fois que tu as déchiré le voile, à ce moment-là, ça sert à une humanité. On pourrait comparer déchirer le voile comme sur le plan actuel, disons, c'est d'autres choses que du matériel. Sans un sens. Ça, c'est de passer outre. Parce qu'on parle, la dame à soir, la dame. De... Quand c'est qu'elle parlait avec moi? Tu m'as dit, tiens, elle avait des exemples, par exemple. Tu vas dire, elle parlait du point, à partir de la place psychologique, un peu intuitive. Hein. Ou elle parlait de liberté. Ou elle sent un petit peu que c'est la liberté. Mais la liberté, être un agent libre, c'est tout bon. Tu sais, quand vous avez une job, vous avez une job pendant 20 ans, tout d'un coup, vous sentez la job-là, là, la première journée, vous sentez bien. Hein. Bon, mais c'est un petit peu de même. C'est un petit peu comme ça, dans ce cas. Oui, moi, c'est bien ça, moi. Être un agent libre. Les hommes ne comprennent pas ça parce que dans notre évolution ancienne, dans notre évolution, on a été dominé. Là, c'est le mouvement contraire. Là, on se libère. Quand on est libre, c'est toute la vie est forte. Sur le plan matériel, elle est peinte en haut, la sphère en haut, je m'en fous en haut, c'est. La septième limitation après la libération de la forme de l'âme. Ah, c'est ça, je t'ai dit tout à l'heure. L'ego rentre dans l'âme, c'est lui qui détruit l'affaire autour. C'est ça, la libération de la forme de l'âme. Vous êtes pas content que je vous dise. Cette partie prédiquée cinq voiles. Cinq choses. Dans cette libération-là, c'est pas ce qu'il y a. Ah oui, comment ça? Cinq choses. Oui. Dans ce déchirement de cette voile-là, il y a cinq choses. Il dit, je ne peux pas le dire. Quand c'est ça, t'as l'air de dire, je ne veux pas te dire, mais quelque chose n'a pas te dire. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Il dit, parce que ça fait partie du domaine supérieur de l'évolution, que ça ne doit pas être capté par les plans intérimaires. Oui, tu comprends ça? Je peux aller jusqu'à la cinquième initiation, parler vraiment librement en haut de la cinquième. Ouais, c'est bien temps. C'est très bien. Le savoir n'est pas assimilé à la fusion. De la plus, si tu es fusionné, le savoir est parfait. Parce que si t'es pas fusionné, le savoir n'est pas parfait, mais il est grand. Je te donne un exemple. Je prends l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est l'aide, c'est l'aide, c'est l'aide. Que je connais, là, c'est l'aide. Ma femme, son savoir n'est pas parfait. Mais il est grand. Dans ce phénomène, quand t'es dans le grand savoir, là, ça veut dire que t'es sûr de ce que tu fais seulement. T'es sûr d'être sûr, seulement tu pourras pas le faire avec la perfection que ce qui t'a fusionné. Parce que t'es quoi? Parce que tu n'es pas le savoir. Il y a des nuances à ce moment-là qui rentrent dans le jeu. C'est comme, je vais donner l'exemple, c'est graphique. Bon, c'est là, Nous autres, le savoir, là, c'est de mettre le verre au centre du talon. Ma femme, elle a le savoir, elle va le mettre. Tu ne fais pas de talon au centre. Quand il y a le savoir, tu mets au centre de ton savoir, il... ça se discute pas, le savoir. C'est pas complètement au centre, c'est de la connaissance. Non, non, parce qu'il n'est pas ajusté. Tu n'es pas en fusion, tu n'es pas ajusté, tu peux avoir un petit peu d'émotion. Tu peux avoir un petit peu d'émotion dans ton savoir, tu n'es pas ajusté, il va des habitudes. Alors, le savoir, c'est la fusion parfaite. Le savoir, la fusion parfaite, c'est le savoir. Quand tu es fusionné, tu as le savoir, et quand tu as le savoir, tu as la fusion. Le savoir est parfait, tu es dans la fusion. Mais il ne t'appartient pas, le savoir. Le bébé qu'on a, c'est une direction qu'on a. C'est le mouvement vers le centre. Quand tu brises le voile, tu viens sur une planète, tu viens sur la planète. Parce que tu es capable de prendre une minute. Parce que le temps me détend. Qu'est-ce que l'humanité rajoute de plus? L'humanité, c'est le niveau collectif qu'elle va rajouter. L'humanité va devenir l'équivalence du plan collectif de ce que le Christ a été sur le plan individuel. L'humanité va amener dans le cosmos la connaissance de l'amour. Quand l'homme va voyager, il est de l'autre planète. L'humanité est contente. C'est pour ça qu'on veut voir la planète de l'amour. Tu veux dire, c'est l'autre d'Alep ici? Non, non, non. Quand tu es conscient, c'est de l'amour. Il n'y a pas d'amour subjectif, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est l'amour que tu parles, c'est l'amour mental. L'amour, bon. L'amour, c'est ce que tu veux. C'est ce qui tient les affaires ensemble. L'amour, c'est ce qui. L'attraction. Bon. L'amour, c'est ce qui tient l'univers ensemble. Ouais. La matière. La matière est maintenue ensemble. Hein? Les atomes sont maintenus en vrai. Par le principe, bien évidemment. On appelle ça de l'amour, c'est dans l'idée de la vie. C'est ça. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Ce qui l'organise, c'est l'intelligence. Ce qui donne le mouvement, c'est la volonté. C'est ça l'esprit? La Trinité, je veux dire. C'est ça l'esprit? Ça, c'est l'esprit de la Trinité. C'est l'esprit de la Trinité. L'esprit de la Trinité. C'est un être qui a formé une alliance avec des forces de lumière. Les forces de lumière sont des intelligences qui ont voulu faire l'expérience du cosmos, que j'appelle une force. Non, pas là, bien. Il est pris, hein? Pas réglé, là. On vient de là. Il faut comprendre que l'univers est un être de lumière. trinité. Catholique, négatif, une trinité positive, une trinité neutre. Alors, Lucifer et le Père représentent la volonté. Satan représente l'esprit. Le Fils. Lucifer, Satan, Dieu. Il y a un rapport, il y a un parallèle entre la trinité positive et la trinité. Pensez au Père, le Fils et l'Esprit dans la trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit dans la trinité satanique. Dans la trinité Christ, dans la trinité positive, on a le Père absolu. On a le Fils, qui est l'amour, qui est Christ. Puis on a l'Esprit qui est déjà. Dans la trinité négative, vous avez Lucifer qui est l'absolu. Il n'est pas l'absolu, qui est le Père. Vous avez l'antéchrist. Vous avez Satan. Et au-dessus de cette trinité, là, vous avez une autre trinité, qui est la trinité absolue. Cette trinité absolue agère les deux autres. Elle permet l'existence des deux autres. Nous autres, on a la difficulté à comprendre que l'amour maintient l'univers quand c'est Lucifer. Mais je n'ai jamais dit que Lucifer était l'univers. J'ai dit que Lucifer, dans son mouvement, dans les espaces actuels, a conçu. Il a conçu. Puis concevoir l'univers, ça veut dire l'avoir. La projeter. Et à ce niveau-là, quand tu projettes, tu mets la fondation pour la création. Alors, Lucifer a conçu l'univers. Lucifer. Le Père absolu. Il a compris. Il a permis. Puis l'absolu des absolus a donné son consent. Donc, vous avez trois pères. Nous autres, on parle d'un père. Il y en a trois pères. Mais un père, ça représente un principe éternel. Il y a différents niveaux d'absoluté. C'est un principe éternel. Un fils, c'est la même chose. Ça représente un principe éternel. Il y a différentes fonctions. Le Christ a une fonction, ce qu'on appelle le Christ. Michael et les Renaud ont une fonction. Par en haut, de maintenir l'harmonie de l'univers. Satan aussi a une fonction. C'est de créer la désharmonie dans l'univers. Deux fonctions pour lui, bien essentielles. Mais, dans la trinité absolue, tu as un père, tu as un fils, l'amour, tu as l'intelligence. Ils ne sont pas révélés à l'homme, ils ne sont pas révélés à l'homme pour un mutant. Et dans cette trinité absolue-là, tu as un fils aussi, qui permet la polarité des deux autres. Comme un principe d'intelligence qui permet la polarité des autres, des deux autres. Comme dans l'univers, tu as de l'intelligence négative, tu as de l'intelligence créative. Les deux sont essentiels. Les hommes en évolution, eux, parlent par les phases.